Radiomatic. Thank you. c'est le projet allemand Wumscott qui ouvrait la transmission 283 d'Audiomatic avec sa composition de Grim Reaper qui est tirée de son album Blutspucker Tavern paru en avril 2005. Les sonoristes acceptent les états de fait irrévocables. Il y en a deux qui déterminent notre condition actuelle. L'isolement social et la présence des sons, donc de la musique. La musique brise l'isolement parce qu'elle peut être partagée par plusieurs individus isolés, d'abord dans le périmètre de diffusion des ondes du CFOU 89.1 FM, puis ensuite, peu importe leur position dans l'univers grâce à la diffusion en direct ou en différé par le biais d'Internet. Bref, comme le dit le titre de la pièce de la trompettiste Yaz Ahmed que nous allons entendre, malgré l'isolement, on peut écouter la musique « In the space between the fish and the moon ». Thank you. L'artiste Moby concluait cette séquence de deux pièces avec Welcome to Hard Times, une composition qui apparaît sur le dernier album Everything Was Beautiful and Nothing Hurt, paru en 2018. Sachez que Moby nous a préparé un nouvel album intitulé All Visible Objects à paraître en mai prochain. Et avant Moby, c'était la trompettiste britannique Yaz Ahmed et sa pièce The Space Between the Fish and the Moon. Yaz Ahmed a pigé son inspiration dans la musique moyenne orientale pour nous offrir son album intitulé La Saboteuse, duquel est d'ailleurs tirée la pièce que nous avons entendue. Pour poursuivre cette transmission d'audiomatique, les sonoristes vous offrent à entendre le groupe The Tear Garden. To your wicked cause. 19 down, 19 to go. The crowd's too cool to force a show. We're dog-tied, cat-whipped, underfed, on edge. Where are we? Who the hell are you? We're Cold Wave, courtesy of Belgium, know it. Where they make the chocolate and the chips. Speak the language, either of them. I don't know where I get the inspiration. Don't know when this planet will explode in bits. I do not want to party, see the sights or get real rigor mortis stone. I do not want to sleep with you. I do not want to sleep with you. I want to sleep alone in transit, hunched up like a ball inside a stinking bag. Don't worry, brother, I shall not touch you. Even though our bond is by now very, very holy, I won't touch you. Let's hit the road and on we go. Tornadoes red next time they got their guns hangers high. Let the desert birds consume us. Read your Bibles, burn our bus and pick on Wendy's. Who the hell are you? We are Satan. We come to eat your veggie sticks and take your daughters. We come to build a temple to a lesser demon. Never mind his name. Just be assured. He's bad. Wasn't that a close one? Thought they'd throw us to the wolves. I've heard Montana's really pretty, but there's Nazis wall to wall. But we're just tourists here, and sure, we believe in Jesus. Yes, yes, yes, yes, yes. The Curtis calling, it seems so far away. Toothbrush and a blue toothbrush in a plastic cup in a place that no one sees. Not even me. On vient tout juste d'entendre à Audiomatic le groupe de Tear Garden, qui est formé de membres et d'anciens membres des formations Skinny Poppy et de Legendary Pink Dots, principalement Kevin Key et Edward K. Spell, de l'album I Spy Volume 2 de The Tear Garden, lancé en 2017, nous vous avons présenté la pièce Georgie P. Good Evening Houston, Slight Return. Audiomatic se poursuit sur la collaboration entre les artistes Steve Roach et Veer Yunith. Toujours à Audiomatic, nous venons d'entendre le projet Carbon Based Life Forms et sa pièce Terpen, apparaissant sur l'album ambiant intitulé 23, album paru en 2011. Et avant Carbon Based Life Forms, on entendait une collaboration entre les artistes américains Steve Roach et Veer Yunis, collaboration prenant forme sur l'album Body Electric, duquel est tirée la pièce que nous avons écoutée, soit Born of Fire. Pour que nous puissions nous rendre jusqu'à la fin de cette transmission 283 d'Audiomatic, nous laisserons s'écouler la durée de la pièce de Killing Ground en version instrumentale du projet Recoil, qui est mené par Alan Walder, bien connu pour avoir été un membre officiel de Depeche Mode de 1982 à 1995. La version originale de la chanson de Killing Ground inclut la participation du chanteur Joe Richardson et est parue sur l'album Subhuman de Recoil en 2007. La version instrumentale, quant à elle, est tirée de l'album Subhuman Instrumentals, lancé la même année. La transmission 284 d'Audiomatic se matérialisera tout d'abord mercredi prochain dès 17h sur les ondes de CFOU 89.1 FM, avant de trouver refuge dans les environnements dématérialisés du numérique sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici Recoil et la version instrumentale de la pièce de Killing Ground. C'était Audiomatic avec les sonoristes.